gens dans la rue. Indiffère totalement, les yeux fixés au sol, je pense à tes seins blancs. Et les filles dans le bus ne me trouvent pas à leur goût, mais je ne les regarde plus, je pense à tes genoux. Ma famille méchante, mon enculé de petit frère et mon père italien, je les ignore sévère. Je suis amoureux de tout ce qui t'appartient, pour fuir à Saint-Dizier, je prends le premier train.